Le grain de sable d'Attaque Québec. À qui au mot tout le monde est aussi vert, sa gentille qu'ils aiment. À qui au mot tout le monde est aussi vert, sa gentille qu'ils aiment. Alors bonsoir, aujourd'hui au Grain de sable, immigration, solidarité et altermondialisme. Alors bonsoir, c'est Valérie Blouin qui vous parle. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de sable du groupe Attaque Capitale Nationale. Alors c'est l'émission du 13 mai 2011. Cette émission est préparée par Cédric Leterme et la mise en onde ce soir par notre camarade Jeanne Gutiérrez. Au programme aujourd'hui, on va commencer l'émission avec Cédric Leterme pour parler d'immigration. Alors, il s'agit d'un enjeu de plus en plus sensible et qui, on va le voir, recoupe beaucoup de thèmes qui nous sont chers ici au Grain de sable, comme l'économie, la guerre ou encore l'environnement. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on retrouvera Renaud Blais pour sa dernière chronique Altermondialisme de la saison. Alors, encore tout un programme aujourd'hui. Alors, on commence d'abord en chanson, toujours sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Quebrale, Manolé, clandestino, Argelino, clandestino, Mexicano, clandestino, marihuana, ilegal. Perdido. Boliviano, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, illégal. Rebonsoir. Alors, vous venez d'entendre Clandestino de Manu Chao. Alors, c'est une chanson qui met la table à ce qui s'en vient, là, comme sujet qu'on va traiter, n'est-ce pas? Alors, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de sable d'Attaque Québec. Cédric est avec nous en studio. Bonsoir, Cédric. Et bonsoir, Valérie. Alors, Cédric, ce soir, tu voulais nous parler d'immigration. Oui, tout à fait. Mais en fait, je voulais parler de ça parce que j'ai vraiment été marqué par un billet qui a été rédigé il y a une ou deux semaines par Alain Grèche. Alors, qui est-il? Alain Grech, c'est un des experts sur le Moyen-Orient pour le mensuel Le Monde Diplomatique. En fait, c'est un billet qu'il a écrit non pas pour Le Monde Diplomatique, mais sur son blog Nouvelle d'Orient, que je vous invite à aller consulter. C'est un des blogs qui est affilié au mensuel. Vous pouvez voir ça sur le site du Monde Diplomatique. Je vous invite à le consulter si vous êtes intéressé un peu par ce qui se passe dans cette région-là. Surtout en ce moment, on sait qu'il se passe plein de choses. Donc c'est vraiment une source d'information intéressante, puis avec un point de vue original. Donc le texte en question qu'il a écrit est assez court. Je crois que ça s'appelle Les réfugiés libyens, l'honneur de la Tunisie. Et en fait, dans ce texte-là, il parle de l'extraordinaire accueil qui a été réservé en Tunisie aux réfugiés libyens qui fuient actuellement les combats entre la coalition internationale et les forces de Kadhafi. On sait ce qui se passe là-bas en ce moment. Il explique que, bon, évidemment, face à l'intensité des combats, il y a beaucoup de Libyens qui ont fui vers la Tunisie. Il explique qu'il y en a à peu près 30 000 qui se sont enfuis vers la Tunisie voisine. C'est quand même beaucoup. Ouais, c'est quand même pas mal. Et d'après Alain Grech, et là je vais citer ses propres mots, ils n'y ont pas été accueillis par les imprécations de Claude Guéant. Alors Claude Guéant, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur français qui s'est illustré ces dernières semaines par des déclarations absolument dégueulasses sur l'immigration, sur, bon, passablement xénophobe. Donc il nous dit, ces Libyens-là en Tunisie n'ont pas été accueillis par les imprécations de Claude Guéant, par des rafles policières ou encore par le racisme des dirigeants italiens. D'après lui, si 2500 d'entre eux vivent dans des camps de tentes, la grande majorité se sont installés dans des maisons tunisiennes, avec des familles tunisiennes, dans des villages tunisiens, alors que la région où ils sont hébergés ne compte que 150 000 habitants. C'est quand même important de le refléter, en tout cas de le mentionner vraiment, ici. C'est quand même vraiment fou et c'est très touchant en tout cas comme histoire. Mm-hmm. On imagine ce que ça représente, 30 000 réfugiés dans une région d'à peine 150 000 habitants. C'est tout simplement énorme, et d'autant plus que pour un pays comme la Tunisie, qui est quand même confronté à de très sérieux problèmes internes, notamment économiques, et qui ont mené, on le sait, à la première révolution du monde arabe, la révolution de Jasmin, au mois de janvier dernier. Donc, même dans cette situation-là, Alain Grech nous explique qu'il y a vraiment eu un sentiment de solidarité, de fraternité, de générosité qui a pris le pas sur toute autre considération de la part de la Tunisie, qui a donc décidé d'ouvrir ses portes à ces réfugiés libyens qui étaient dans une situation encore plus désespérée qu'eux. Alors évidemment, il nous dit qu'il y a eu des tensions qui sont apparues par moments, c'est inévitable dans des situations comme celle-là, mais non seulement elles étaient marginales, mais en plus, plutôt que de les attiser, comme on peut le voir en France ou en Italie, où les dirigeants utilisent l'enjeu de l'immigration pour susciter des sentiments nationalistes et faire un peu des gains politiques qui sont pas très glorieux, mais plutôt que de faire ça, les autorités en Tunisie, elles ont plutôt cherché à essayer de trouver des solutions concrètes pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Alors quand même, c'est assez différent de l'attitude qu'on a l'habitude de voir dans les pays développé un peu, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce qu'on puisse dire. Évidemment, c'est tout le sens du texte d'Alain Grech. C'est-à-dire qu'il cherche vraiment, par ce petit billet-là, il voulait vraiment montrer le contraste qui existe entre l'accueil qui a été réservé aux réfugiés libyens par la Tunisie. La Tunisie, qui est donc un petit pays qui est pauvre, qui est en proie pour l'instant à des gros bouleversements internes, etc. Donc il y a des gros problèmes auxquels elle doit faire face. Et à côté de ça, on a la crispation sécuritaire qu'on est en train d'observer en Europe, dont apparemment la seule et unique obsession, c'est d'essayer d'éviter à tout prix d'être envahi par on ne sait quoi, par une horde de réfugiés, ce qui a donné donc lieu à une surenchère de déclarations xénophobes et franchement honteuses de la part notamment des dirigeants français, italiens qui en la matière ont la palme. Donc c'est sûr que c'est loin d'être récent comme attitude de la part de ces pays-là. Ça fait un petit temps maintenant qu'on voit l'Europe glisser. Bon, si je dis l'Europe, on pourrait parler aussi de la plupart des pays développés. En fait, les États-Unis sont pas en reste là dedans, le Canada non plus, et l'Australie aussi, on pourrait en citer d'autres. Et on voit vraiment dans tous ces pays qu'ils sont en train de se braquer de plus en plus sur la question de l'immigration. On assiste aussi à une montée inquiétante de la xénophobie, des discours xénophobes, de la stigmatisation des étrangers, où on en fait, comme d'habitude, dans des périodes de problèmes économiques, c'est le bouc émissaire parfait. Et ce qui est encore plus inquiétant, d'après moi, c'est qu'on observe vraiment des mesures de contrôle de plus en plus violentes et de plus en plus strictes de la part des États pour faire face à la question de l'immigration, notamment l'immigration clandestine. C'est une forme de répression, en fait. C'est une forme de répression et qui a des conséquences dramatiques. Ça peut même entraîner la mort de certains immigrants. Mmh. On peut penser, par exemple, à ce qui se passe aux États-Unis, où ils sont littéralement en train de construire un mur à la frontière mexicaine, un mur militarisé d'empêcher les immigrants de passer. Bon, l'Europe aussi est en train de se barricader derrière des dispositifs sécuritaires absolument invraisemblables. Et forcément, ça rend les tentatives des migrants de plus en plus difficiles. Et donc, on assiste à des drames de plus en plus fréquents. Or, et ça, c'est probablement une des informations les plus importantes à retenir du texte d'Alain Grech. Alors écoutez, chers auditeurs. Écoutez bien, c'est que la question des réfugiés, elle concerne surtout, et dans son écrasante majorité, et j'insiste vraiment là-dessus, dans son écrasante majorité, la question des réfugiés, elle concerne les pays du Sud eux-mêmes. Grech termine son texte avec cette phrase qui est extrêmement forte. Il dit « Les réfugiés vivent au Sud et pourtant c'est le Nord qui a peur ». Donc c'est bien dit, ça dit tout en fait. Il faut savoir que 80% des réfugiés dans le monde, je répète le chiffre, 80% des réfugiés dans le monde sont accueillis non pas par des pays riches, mais par des pays en développement. J'aimerais beaucoup que tu le répètes. C'est un chiffre qu'on entend peu. Donc 80% des réfugiés dans le monde sont accueillis par des pays en développement, et même encore pire, ce sont parmi les plus pauvres de ces pays qui en reçoivent les contingents les plus importants. On pourrait avoir l'impression que c'est le contraire. On pourrait avoir l'impression que c'est vraiment le contraire, surtout quand on entend les discours officiels sur la question. Donc les chiffres que je cite ici, c'est des chiffres officiels, hein. C'est les chiffres qui sont enregistrés par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Ils ont été repris dans un autre article du Monde Diplomatique. Alors pour donner quelques exemples, la République démocratique du Congo, qui connaît elle aussi des gros problèmes intérieurs, elle accueille entre 200 000 et 300 000 réfugiés. La Syrie en accueille plus de 1 million. Le Yémen, 100 000. La Tanzanie, environ 500 000. Le Pakistan, plus de 1 million. C'est des chiffres qui sont colossaux. Et la Jordanie, entre 2 et 2,5 millions également. Donc il y en accueille. Ça c'est depuis certains temps, ou voilà, c'est... en gros sur son territoire à l'heure actuelle il y a deux, donc en Jordanie par exemple il y a entre 2 et 2,5 millions de réfugiés. À titre de comparaison, le Canada lui il en accueille à peu près 100 000 pour l'instant. On s'entend qu'il y a d'autres moyens au Canada pour accueillir les réfugiés, il y a d'autres places aussi, hein, ne fût-ce qu'en termes de superficie, quoi. Donc en plus il faut ajouter sur ces chiffres-là que c'est des estimations qui sont probablement très en dessous de la réalité, parce que c'est bon, il y a beaucoup de réfugiés qui sont tout simplement impossibles à comptabiliser pour différentes raisons, parce qu'ils veulent pas se déclarer, parce qu'ils sont victimes de persécutions, oui, etc. Oui. Donc il y a plein de raisons qui expliquent ça et qui fait que ce chiffre-là est probablement en dessous de la réalité. Et en plus, ça tient pas compte des déplacés en interne. Or, c'est un problème aussi qui est de plus en plus grave dans certains pays, notamment la Colombie par exemple, où il y a les conflits font en sorte que les populations sont déplacées en interne et deviennent donc des exilés dans leur propre pays. Alors tout ça, en gros, c'était surtout pour mettre en perspective le culot ou l'hypocrisie, ou appelez ça comme vous voulez, de certains dirigeants qui nous expliquent la main sur le cœur qu'ils voudraient bien, mais qu'ils peuvent pas accueillir toute la misère du monde. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont loin de ne fût-ce qu'essayer. En effet, ça pose... oui, c'est intéressant de se poser la question, n'est-ce pas? Alors, surtout quand on connaît les causes principales de l'immigration. Oui, tout à fait, mais... Bon, t'as entièrement raison. C'est sûr qu'en plus, quand on regarde justement les causes principales de l'immigration, on se rend compte que les pays occidentaux ont généralement une responsabilité énorme par rapport à ces causes-là, de par les politiques qu'elles mènent, que cette responsabilité soit directe ou indirecte d'ailleurs. Et donc, ça rend d'autant plus condamnable et scandaleuse l'attitude actuelle des pays occidentaux face à la question de l'immigration. Ben alors justement, on va se pencher un petit peu plus là-dessus. Alors, le rôle qui serait joué, dans le fond, par les pays du Nord... donc, dans les causes qui favorisent l'immigration au Sud, donc, si tu veux nous en parler, mais aussi, d'abord, on pourrait commencer par expliquer c'est quoi ces grandes causes qui favorisent l'immigration. Oui, tout à fait. En fait, on sait que parmi les principaux facteurs qui expliquent l'immigration, alors il y en a beaucoup, hein, faut quand même préciser que l'immigration, c'est un phénomène complexe. Savoir pourquoi tel canal d'immigration est favorisé, il y a aussi une question de lien historique entre les pays, etc., qui peuvent expliquer que, on va privilégier telle route plutôt qu'une autre. Donc ça relève plus... de discussions de sociologues de l'immigration, et c'est pas la question ici, mais les principaux facteurs, ils sont connus finalement, et ça relève un peu de l'intuition. Tout le monde est capable de comprendre en gros pourquoi est-ce que on assiste à cette immigration là. Bon, les premiers, c'est évidemment des facteurs d'ordre économique, que ce soit l'absence de perspectives dans le pays d'origine, que ce soit un chômage ou une pauvreté extrême à laquelle ces populations-là doivent faire face. L'instabilité aussi qui les pousse finalement à se dire, et souvent à juste titre, que la seule chance qu'elles ont d'avoir une vie meilleure, c'est de partir. On retrouve aussi forcément des facteurs d'ordre plus politique. On pourrait, évidemment là-dedans, on retrouve les persécutions politiques, des gens qui sont traqués pour leurs croyances ou pour leur activisme. Il y a aussi évidemment la question des guerres. Forcément, quand il y a une guerre, généralement les populations civiles essayent de fuir les lieux des combats, pour se sauver. Donc c'est un instinct de survie au sens le plus basique, quoi. Et puis enfin, il y a une dernière catégorie dont on entend de plus en plus parler et qui prend de plus en plus d'importance ces dernières années, avec la question environnementale qui vient de plus en plus au premier plan. Et c'est ce qu'on appelle des réfugiés climatiques, c'est-à-dire qu'il y a des réfugiés qui fuient les conséquences et les effets du réchauffement climatique. Alors, quand on regarde ces trois grands domaines-là, on devine déjà que dans chacun d'eux, la responsabilité des pays occidentaux, des pays riches, est fortement engagée. Et donc, de nouveau, que ce soit directement ou indirectement d'ailleurs. Et donc, ça rend de nouveau d'autant plus révoltant le durcissement auquel on assiste à l'heure actuelle de la part de ces pays face à la question de l'immigration. Alors, tout à fait. Alors, d'où la crainte de certains pays du Nord, n'est-ce pas? Oui. Alors, avant de continuer là-dessus, on va revenir en détail sur les trois grandes causes de l'immigration que tu nous as soulignées. On va d'abord écouter une chanson. Alors, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite après la pause. C'est pas la Terre qui est à nous, mais c'est nous qui sommes à la Terre. Wow. Et comment on t'appelle ? Ça dépend de l'endroit où je me trouve. Est-ce qu'on t'a déjà appelé Dieu ? Ici, tu peux m'appeler Mohamed. Moi quoi ? Mohamed. Mohamed. Et Mohamed. Et Mohamed. Et Mohamed, voilà. Et Mohamed, t'as tout compris. Et Mohamed, c'est Mohamed. Ah, des Mohamed, voilà, t'as c'est ça. D'accord, d'accord. C'est Mohamed. Mohamed, voilà. Joe. Mohamed. Voilà. Et c'est en quelle langue ? En français. Mohamed, Joe. Mohamed, Mohamed, Mohamed. Jouge, wahed, jouge, kleta. As-tu eu le choix de ta naissance? C'est là qu'on s'avance, avance. Et pour parler des problèmes de terriens immigrés, Dieu a créé la terre pour les hommes. La volonté était qu'ils apprennent à la partager. De la terre, ils pouvaient bénéficier pour cultiver des hommes et des femmes s'ils voulaient procréer. Mais la simplicité s'est très vite envolée. Et l'industrie est très très vite arrivée. Chasser tous les hommes qui n'accepteraient de s'installer. Et maintenant, il faut des papiers pour traverser des contrées. Je m'appelle Mohamed, Mohamed Joe, Mohamed Joe. Tout le monde, ils me connaissent, Mohamed Joe, Mohamed Joe. J'aurais pu m'appeler Joseph, Mohamed Joe, Mohamed Joe. Mais je m'appelle Mohamed, Mohamed, Mohamed. Puis les hommes se sont imaginés des codes pour s'identifier, identifier tous ceux qui n'accepteraient de participer à leur loi votée par une assemblée bien connotée. Et maintenant il faut des papiers pour traverser des contrées contrôlées. Va chier. Jamais je n'accepterai de servir un état que je n'ai pas demandé, des lois que je ne veux surtout pas partager. La terre des dieux, et quelle qu'il soit, n'appartient à aucun homme. Donc là, là, il y a un mal d'homme. Alors on se la donne contre ça. Hé, hey, hé, hey, on se la donne mais ne se vend pas. Yeah, oh. Alors on se la donne contre ça. Hé, hey, hé, hey, on se la donne mais ne se vend pas. Soit blanc, rose ou noir, ne nous intéresse pas. Pauvre ou riche, ne nous intéresse pas. D'Amérique ou africain, ne nous intéresse pas. Musulmans, juifs, chrétiens, cela ne nous fait rien pour nous. Le combat commence avec toi quand tu voudras. Oh, je m'appelle Mohamed. Mohamed Joe, Mohamed Joe. Tout le temps on me renvoie au bled. Mohamed Joe, Mohamed Joe. Mais le lendemain tu me retrouves en Suède. Mohamed Joe, Mohamed Joe. Il n'y a pas de remède. Mohamed, Mohamed. En France, toutes ces familles déchirées et ces mères jetées à coups de pied d'un côté à leur père. Renvoyés au pays par l'armée. Les enfants parqués, brisés. La vie d'une famille comme si, si tout ceci n'était qu'un jeu de pire. Mais où est passée notre hospitalité? Cette capacité d'accueillir des gens en difficulté. Des réfugiés exilés, venus dans l'espoir de travailler, avoir un métier bien payé pour envoyer chaque année de l'argent au blé. Lorsque l'on sait qui nous paye d'un exilé fait vivre un village entier. À moi ça me donne de quoi penser. Ne pouvons-nous pas les aider? Les aider? Ne voulons-nous pas nous emmêler? Nous emmêler? Ok, l'État français n'a rien à y gagner donc. Donc l'État n'y est pas mêlé donc. L'État n'y est pas mêlé donc. L'État n'y est pas mêlé donc. L'État n'y est pas mêlé donc. L'État n'y est pas mêlé donc. L'État n'y est pas mêlé donc. L'État n'y est pas mêlé donc. Je m'appelle Mohamed. Mohamed Cho. Mohamed Cho. Écoutez-moi, oh, quand je plaide. Mohamed Cho. Mohamed. Pour nous aider, je m'entraide. Mohamed Cho. Mohamed Cho. J'ai un passeport si ça vous aide. Mohamed. Mohamed. Mohamed. واحد كاليتي Alors vous venez d'entendre Mohamed du groupe La rue qui est à nous. Alors pour alors dans le fond c'est ça, on discute toujours immigration avec Cédric Leterme. Vous êtes toujours au grain de sable sur les ondes de CKRL. Alors Cédric, tu nous disais que par rapport aux trois grands facteurs qui favorisent l'immigration, c'est-à-dire l'économie, la politique, l'environnement. Exactement. Alors, il y aurait quand même les pays occidentaux, là, donc les pays industrialisés, auraient quand même une grosse responsabilité, directe ou indirecte. Donc, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu plus sur cette idée-là? Bien sûr. Donc, pour l'économie, ça paraît relativement évident. En tout cas, je suis certaine pour les auditeurs qui nous suivent régulièrement ici au Rennes-Sard, mais ça l'est peut-être moins là, pour les deux autres. Oui, t'as raison. C'est vrai que la responsabilité des pays riches, bon, en matière d'économie et l'impact que ça a sur la question de l'immigration, c'est probablement une de celles qui saute le plus rapidement aux yeux. Ceci dit, ça vaut quand même toujours la peine de la rappeler. Oui, donc allons-y. On connaît évidemment le rôle qu'a joué l'Occident, hein, dans le sous-développement du tiers-monde, que ce soit à travers la colonisation, c'est-à-dire le pillage et l'exploitation directe par des régimes extrêmement brutaux des pays qu'on dit du tiers-monde, ou ensuite le néocolonialisme qui a suivi et qui consistait en gros à poursuivre le même pillage mais par des politiques différentes. D'ailleurs, ces politiques-là trouvent leur prolongement avec les politiques qui sont promues à l'heure actuelle depuis une vingtaine d'années par les institutions économique internationale. Si on peut les rappeler. Comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou encore l'Organisation mondiale du commerce, que nos auditeurs connaissent très bien probablement, qui ont, bon, ces politiques-là ont généralement pour conséquence de détruire les économies locales, de détruire aussi le tissu social traditionnel, etc. Donc au lieu de favoriser, ça bien fait sûr l'inverse. Le développement, ça fait exactement l'inverse. Mmh. Généralement, c'est l'agriculture qui en pâtit le plus. Et donc ces millions de paysans ou de travailleurs qui se retrouvent du jour au lendemain privés de leur emploi ou de leurs moyens de subsistance de par l'application de ces mesures-là, un des seuls choix qui leur reste évidemment, c'est d'essayer d'émigrer au nord. Donc ça c'est une évidence, mais question de survie. Mais on remarquera ici que la liberté de mouvement qui est sans cesse promue, on nous brandit toujours liberté de mouvement par ces institutions, par les accords de libre-échange de manière générale ou par le modèle néolibéral, mais cette liberté de mouvement-là, elle s'applique qu'aux capitaux. C'est-à-dire qu'elle s'applique pas aux personnes. Donc l'argent, lui, a tous les droits, mais l'argent a tous les droits, mais les hommes, ils peuvent crever, quoi. Et du coup, on a des situations comme celles qu'on peut observer à l'heure actuelle, hein, faut pas aller chercher bien loin, dans le cadre de l'ALENA, où on met en place une vaste zone économique, hein, on loue cette espèce d'intégration où le capital peut faire ce qu'il veut, les marchandises peuvent circuler librement, il y a pas de taxes, c'est génial, mais en même temps on militarise de plus en plus la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec les conséquences humaines dramatiques qu'on connaît, pour s'assurer que évidemment les pauvres restent bien au Mexique, pour qu'on puisse aller les exploiter là-bas, dans les maquilas ou dans peu importe quelles entreprises, où ils sont payés une misère, et puis après on va pouvoir réexporter sans taxes, hein, librement le produit de ce travail-là aux États-Unis, au Canada. Donc ici on voit bien une illustration parfaite de cette dynamique-là au niveau économique. Ouais. Oui, en tout cas, c'est pas très glorieux, en effet, là, même si ça brandit la valeur liberté qu'on aime et qu'on tient à cœur, mais bon, on dirait, je me sens un petit peu manipulée, là. Et en ce qui concerne les facteurs politiques. Oui, ici aussi, malheureusement, on est loin d'être tout blanc, hein, le bilan est pas très rose. On a évidemment, d'abord, c'est sûr, une responsabilité, parce qu'il s'agit de politiques qui sont menées en notre nom, malheureusement, donc même si on n'est pas d'accord avec ça, On habite ici, donc c'est nos gouvernements et c'est à nous aussi de les tenir responsables par rapport à ça. Donc on a évidemment une responsabilité directe, nous comme nos gouvernements, dans les guerres qui sont menées en notre nom, qui sont lancées par nos pays. On a parlé de la Libye en début d'émission, où là c'est une coalition internationale qui s'est lancée tête baissée dans une opération militaire qui est en train de s'enliser et qui fait malheureusement de plus en plus de victimes civiles. Alors qu'on aurait pu très bien tenter d'autres voies, notamment la négociation. Nous, on a décidé de bombarder directement. Donc là, on a évidemment une responsabilité énorme. On peut aussi mentionner, bien sûr, l'Irak ou l'Afghanistan, qui sont probablement les deux conflits parmi les plus violents à l'heure actuelle, extrêmement meurtriers, qui s'éternisent en plus, hein, ça fait à peu près une dizaine d'années sont en cours, et qui ont poussé des millions de personnes à l'exil, sans parler des morts, évidemment. On en parle moins souvent, ça, dans les médias. On en parle moins souvent, ouais. Donc c'est des millions de personnes qui ont vraiment été poussées à l'exil, et on peut pas dire que ces personnes-là aient été accueillies avec le plus grand enthousiasme chez nous, c'est moins qu'on puisse dire, alors que, à l'inverse, un pays comme la Jordanie, a été forcé, entre guillemets, d'accueillir, elle, entre 1 et 2 millions de réfugiés irakiens, suite à cette guerre, immonde qui a été lancée par les États-Unis pour les raisons douteuses qu'on connaît. Donc ça, c'est une première chose par rapport à notre responsabilité directe. Maintenant, il faut aussi rappeler le rôle qui est peut-être plus indirect, mais qui est tout aussi scandaleux, en tout cas tout aussi condamnable, que jouent, on peut dire, nos gouvernements ou nos multinationales, ou un peu des deux, parce que souvent la frontière est assez floue, hein, de plus en plus, dans certaines régions du monde. Et là, je pense en particulier, on peut penser à l'Afrique, hein, qui est malheureusement un des exemples les plus tragiques de cette logique-là, où ces personnes vont soutenir des régimes sanguinaires en échange, par exemple, d'un accès privilégié à leurs matières premières. On va leur fournir allègrement des armes, on va leur vendre des armes. Il faut savoir que le Canada est parmi les pays exportateurs, enfin un des premiers pays exportateurs d'armes au monde. Je crois qu'il est dans les 6 premiers, et ça va rarement à des personnes hors de tout soupçon. Et quand même. On sait très bien que ces armes-là servent à perpétrer des massacres, en tout cas, bon, qu'elles sont évidemment utilisées pour tuer, c'est leur raison d'être même. Et ensuite, on a les mêmes dirigeants qui viennent s'indigner de la violence qui règne dans ces régions-là. Ils disent, mon Dieu, c'est incroyable, c'est des mais barbares. Ils ont nos armes. Ils tirent dessus, mais ils ont nos armes. Et puis on profite très bien des richesses qu'ils nous vendent à bas prix. Donc ensuite, on refuse finalement d'assumer la responsabilité, et notamment en termes d'immigration, des politiques qu'on mène et des régimes qu'on soutient là-bas, quoi. Bon, c'est encore assez choquant comme. Ah, je dis que c'était pas rose. Non, aujourd'hui là non. Alors donc maintenant la question des réfugiés climatiques, ça me pose beaucoup de questions aussi. Ouais, tout à fait, mais comme si c'était pas suffisant, si le tableau était pas déjà assez accablant. Non, économique, politique, c'est quand même on aurait assez là. C'est déjà pas mal, oui. Mais ceci dit, voilà, on a maintenant en plus des facteurs environnementaux qui viennent s'ajouter à ceux qu'on vient d'expliquer, donc économiques et politiques. J'ai bien hâte de connaître ces facteurs. Et qui poussent eux aussi de plus en plus d'habitants du Sud à chercher refuge ailleurs et donc forcément au Nord. On peut citer l'exemple du Bangladesh qui est vraiment emblématique de ce problème-là. C'est un pays qui est extrêmement pauvre, c'est probablement un des pays les plus pauvres au monde, densément peuplé, et qui subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique, mais vraiment de plein fouet et dans toute leur violence, c'est-à-dire qu'il fait face à une montée des eaux qui menace beaucoup de zones habitées. Il fait face à des tempêtes de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. Or, de par sa pauvreté, il n'arrive pas spécialement à y faire face de la meilleure des manières, donc ça entraîne beaucoup de pertes humaines, etc. Il y a aussi des inondations à répétition. Enfin, la situation est vraiment catastrophique au Bangladesh, et malheureusement, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples de pays qui sont dans la même situation. Sans doute. Ouais. Et ce qui est particulièrement injuste dans cette situation-là, c'est que, on le sait tous, ce sont les pays du Nord qui sont principalement responsables du réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est eux qui ont le plus pollué, qui ont le plus émis de gaz à effet de serre pour soutenir leur propre développement. Donc ça c'est un fait. Sauf que ce sont les pays du Sud, ça c'est pas une cruelle ironie, ce sont les pays du Sud qui en subissent en fait les effets les plus dramatiques et les plus violents, alors que ce sont précisément les moins bien outillés, les plus pauvres pour pouvoir y faire face, que ce soit économiquement, financièrement ou logistiquement. Donc par une espèce de cruauté de l'histoire, on se retrouve avec des pays qui doivent finalement payer les conséquences écologiques de notre enrichissement au Nord, alors que déjà souvent cet enrichissement s'était effectué à leurs dépens, c'est-à-dire sur leur exploitation, etc. Donc ils payent doublement pour nous, et ça couronne un petit peu tout l'exposé, mais en tout cas je pense que c'est des éléments qu'il faut vraiment essayer de garder à l'esprit quand on parle d'immigration et quand on voit souvent les déclarations et le sort qui est réservé à ces personnes-là. Ouais, en tout cas éviter de juger surtout, ces personnes-là. Surtout contester les politiques qui sont menées. C'est-à-dire qu'il faut surtout chercher à réfléchir pourquoi il y a l'immigration et pas poursuivre les immigrants eux-mêmes, quoi. Ouais, alors bien, Cédric, merci beaucoup pour ce bilan, mais surtout cette prise de conscience. Alors, c'est sûr que c'est un bilan un petit peu sombre sur la question de l'immigration. Alors, mais qui le voit rejoint énormément d'enjeux et de luttes actuelles. On va malheureusement devoir en rester là pour aujourd'hui. Pour ceux que ces problématiques intéressent, on vous conseille, entre autres, les sites Internet des groupes Personne n'est illégal et Solidarité sans frontières. Ce sont des groupes qui traitent de ces questions-là, et donc vous pourrez y trouver plus d'informations et de moyens d'action. Alors, on se quitte un court instant pour le temps d'une publicité, et on se retrouve après pour la deuxième partie d'émission avec Renaud Blais et sa dernière chronique consacrée à l'altermondialisme. À tout de suite! Chaque vendredi, les soirées du Bleu ou Noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de micro-brasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du Bleu au Noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Flanché pour le Festival de la chanson de Tadoussac du 9 au 12 juin. une 28e édition émouvante présentée par le Mouvement des caisses Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec. Retrouvez ou découvrez le plus grand des petits festivals, ses sites enchanteurs et les artistes invités tels que 12 hommes rapaillés, Chloé Sainte-Marie, Paul Piché, Damien Robitaille, Danny Placard, Gaël, Isabeau et les chercheurs d'or, Jérôme Minière, Carquois, les Cowboys fringants, Malajube, Tire le Coyote et plusieurs autres. Informations et réservations 1-866-861-4108. Une invitation de la bière Belle Gueule. Jeune héritière lucide et intelligente qui n'a jamais aimé personne, offre une récompense à l'homme qui pourra l'intéresser, l'émouvoir et la séduire. Jean, chasseur de primes, saura-t-il satisfaire les attentes de Béatrice? Mais qu'attend-elle au juste? Pour connaître les réponses, il faut voir Jean et Béatrice, une pièce intense signée Carole Fréchette, présentée par le Théâtre Sans Porte du 12 au 15 mai à premier acte, au 870 avenue de Salaberry. Information théâtresansporte.com 88-529-6300. La soirée du Bleu au Noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e avenue, 88-529-3829. Le Bal du Lézard. Alors, de retour au Grain de Sable, ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. Alors, Renaud Blais nous a rejoint en studio pour sa dernière, et oui, déjà chronique de la saison altermondialiste. Alors, bonsoir, Renaud. Bonsoir tout le monde. Ça va bien, oui. Oui, oui, ça va, ça va. Alors, en forme, malgré encore un peu de pluie. Il fait beau. Oui, oui, oui, t'as pris du soleil, toi. Alors, ce soir, tu avais envie de nous faire un résumé, en tout cas, nous parler un petit peu de la fin de la saison. Oui, ramasser ça un peu. Ben, je vous avais, en début de saison, parlé de mes 8 points, qu'est-ce que c'est l'altermondialisme, puis je voulais un peu résumer ça, comme c'est la fin de saison, puis bon, en pédagogie, on apprend qu'il faut répéter. Oui, alors pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'écouter Renaud Blais cette saison, alors ce soir, c'est la première fois que vous écoutez la chronique altermondialisme, alors écoutez bien, tendez bien l'oreille. Ouais, ouais, bon. En fait, j'avais présenté à l'automne, puis même un petit peu cet hiver, là, qu'est-ce que c'est l'altermondialisme, qui est divisé vraiment en deux moments forts, parce que l'altermondialisme existe dans des moments comme une manifestation ou un forum social mondial. C'est ou forum social, il peut être local aussi, mais bon, je vais revenir sur les précurseurs. Là, on dit le Basta des apatistes, le 1er janvier 94, la marche mondiale des femmes qui avait été précédé ici au Québec par la marche du pain des roses en 95. OK, ça, c'est vraiment les origines du mouvement ici au Québec. Ce qu'on appelle les précurseurs, ouais, c'est ça. Okay, les apatistes, c'est quoi déjà pour les auditeurs? Ben, les apatistes, c'était, ce sont les Mayas d'aujourd'hui, qui restent de l'Empire Maya du temps, qui, la journée de l'entrée en vigueur de l'ALENA, il avait publié un texte qui a fait boule de neige sur Internet, qui s'appelait Basta, qui veut dire arrêt en espagnol, là, pour bloquer le processus de libéralisation des échanges. Comme il préconise un point de vue qu'on a, intégré chez les altermondialistes, ben on le considère comme un précurseur, parce que c'était... bon, on se bute souvent aux accords de libre-échange, puis ça a été... puis il faut savoir que le Mexique changeait sa constitution pour répondre aux attentes de l'ALENA. Par exemple, le Mexique prévoit... mais le Mexique s'était engagé à tout séparer les possessions collectives des terres qu'avaient les Mayas en propriété commercialisable, entre guillemets. Mais le Mexique a reculé devant ça. Ça a pas tout été parcellisé pour être commercialisable, puis ça demeure des propriétés collectives du sol. Mais ça va à l'encontre national? Des traités. Ok, ok, ok. Ben, c'est la communauté. Ben oui, c'est mexicain, mais c'est ça appartient à la communauté amérindienne qui est là. Bon, je continue avec, il y avait eu un blocage du G ici à Québec qui était important avant l'opération Salami, qui a été faite un peu quand on avait en tête les négociations de l'ASLEA. À un moment donné, il y a eu opération Salami qui a bloqué, c'était l'AMI. On parlait pas encore de l'ASLEA, c'était le grand projet de l'accord multilatéral sur les investissements qui avait été... on était en train d'en négocier une étape au Sheraton à Montréal, puis les opérations Salami avaient bloqué l'entrée du Sheraton. Ça avait fait beaucoup la manchette. Bon, on considère ça aussi comme étant des précurseurs. Ensuite. Alors, je voulais... puis quand on a célébré le 16 avril, là, ou commémoré plutôt les 10 ans du Sommet des Amériques, Ça vient tout juste de se passer, là. Ouais, c'est ça. J'en ai profité pour faire un atelier sur qu'est-ce que l'altermondialisme aujourd'hui, puis je leur ai présenté mes 8 points. En fait, pour les mettre sur la table, comme on dit, là, on dit l'altermondialisme se définit par une pure initiative citoyenne. L'autre, où l'ennemi à battre, c'est le marché privé ou le néolibéralisme. L'utopie, un autre monde est possible. Puis on dit que c'est une vision plus pluraliste que jamais. C'est une vision locale, nationale et planétaire. C'est aussi... dans le mouvement altermondialiste, on dit il y a souvent des divisions idéologiques, mais on rencontre toujours une unité d'action. Puis on dit que le rapport est ambigu avec l'État, parce que des fois on réclame de l'État, des fois on construit plus l'État. Puis on a toujours une vision globale, puis on fait des actions locales. Fait que ces 8 points-là, je les ai soumis à un atelier durant la journée du 16 avril. Oui. Puis j'ai eu très peu de critiques négatives ou de remises en question. Les gens étaient relativement d'accord avec ça. Ben, il y avait quelques éléments à critiquer. Ouais, oui, ça a été très intéressant cette journée-là. Donc ça, c'est vraiment les 8 points. Ben, c'est la définition un peu de du mouvement altermondialiste. Ouais, ce que j'avais élaboré quand j'ai fait un séminaire à l'université, là, de façon très scientifique et académique, là. Puis il y a la pure initiative citoyenne que les gens trouvaient un peu étrange parce que, bon, tout le monde peut se prétendre citoyen. Oui. Puis la Chambre de commerce, c'est un membre de la société civile. Mais bon, reste que l'altermondialisme, c'est une pure initiative citoyenne. C'est pas les gouvernements qui ont commencé à parler d'altermondialisme. C'était vraiment pas non plus une organisation, mais c'est vraiment c'est plutôt une nébuleuse. On dit souvent une nébuleuse parce que c'est pas unifié, c'est pas... Puis dans les forums sociaux mondiaux, bon, et encore là, il y a deux visions qui se, j'aime pas dire affrontent, mais qui se côtoient, là, parce que oui. Y en a qui aimeraient que le Forum social sorte dans la rue, au nom du Forum social mondial, on prend telle position. Puis d'autres disent c'est un lieu de rencontre où peuvent se créer des nouveaux liens, des réseaux, des initiatives. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, la plus grande manif qu'on a connue ces dernières années en 2003, c'était international, puis chacun le faisait dans son pays. C'était contre la guerre en Irak. Ah oui, oui. Puis en février 2003, là, ça a été, en tout cas ici à Québec, on était 5000, puis il faisait moins 30 dehors. Là. Ça fait que partout à travers le monde, il y avait des manifestations. Puis ça avait été un mot d'ordre qui avait été lancé au Forum social mondial. Mais le Forum social a pas dit « nous, on sort dans la rue telle date ». Non, ça a été... Il y a des gens qui ont convergé, puis qui ont à un moment donné discuté, puis qui ont dit « bon, on devrait faire ça vers la fin février ». Puis c'était un mois après le Forum social. Puis c'était une initiative qui est venue dans le cadre du Forum social, mais de la part de groupes qui se sont organisés sur place. Puis ça se retrouve là à travers le monde. Là. Voilà. Donc c'est pas isolé. C'est un exemple pour dire que c'est vraiment une nébuleuse dont les frontières ne sont très difficilement définissables. Bon, ça fait que, mais avant de terminer cette partie, je voulais vous rappeler qu'on a le marché local et équitable en ville en fin de semaine, aujourd'hui et demain. Je suis passé là tantôt. Oui. Je leur ai dit que j'en dirais deux mots. Il y a toutes sortes de choses. C'est la quinzaine du commerce équitable. Okay. Puis ils font le marché local équitable à Place de l'Université. Pour les gens qui connaissent Québec, c'est entre l'ENAP puis l'INRS. Oui, oui. C'est juste à côté des Jardins Saint-Roch, le parc, là, qui est très grande qualité, là. Puis, on peut déguster sur place. Ah, des dégustations. Sans frais. Il y a de la bière, il y a du vin, il y a des chocolats, il y a du... C'est tout local ou ça vient de la région? Quand on dit équitable, très souvent, ça faut que ça soit local, faut que ça soit... Alors, ceux qui veulent le découvrir... Moi, je suis allé me prendre une bonne petite collation avant de venir. Là, alors, ça ah oui? C'est pour ça que je leur ai dit, je vais vous faire une petite plug, comme on dit. Ah oui, c'est samedi, dimanche, c'est bien ça? C'était aujourd'hui et c'est aussi demain. Ah, demain. Donc, jusqu'à toute la journée, oui. Allez voir la tente sur la place. Il appelle ça Place de l'Université, là, c'est au-dessus du stationnement. Alors est-ce que tu voulais nous parler de... Ben, je peux pas vous lister tous ceux qui sont là. Non, quand je dis il y a de la bière, il y a du vin, il y a de la bouffe aussi, là, on nous fait du bio très énergisant sur place. La boutique est qui monte. Je veux pas trop en nommer parce que ça va être inéquitable pour toutes les autres. Ils sont à peu près 25 exposants. Excellent. Mais la Barberie, bon, le Ricaneux... Puis, pour ne nommer que ceux-là. Il y a une ferme biologique là aussi, qui ont une petite épicerie, c'est à Limoilou, la commandation bio. Ah oui, oui. Qui s'appelle... Ah, j'en ai toute une liste. Alors, il y a beaucoup de commerce bio à découvrir. Les gens vous attendent, ils sont là. Alors Renaud, merci beaucoup pour cette première partie. Alors c'est déjà le moment de notre dernière pause musicale. Alors restez bien avec nous. On continue après pour la fin de notre entretien avec Renaud Blais. Thank you. bouillir de l'eau dans le vin, des frontières au pays. Je passe pas le joint, dirais que des conneries à dire ici tout va bien. La démocratie serait facile d'entretien que des conneries. Un danger certain s'il n'arrive aujourd'hui, plierait seul demain, dirait que des conneries. Et si on l'oubliait? Si on l'oubliait, on ferait que des conneries. Sans doute ni besoin, au pire, je le lui dis que des conneries. Ce qui est fait est dit, je traîne juste un peu le pied à faire ce que j'ai dit que des conneries. Si on l'oublie, et si on l'oublie, on ferait que des conneries. D'ici je me souviens de roses de rubis. D'entendre cette magnifique chanson du groupe Tarmac. Alors, elle s'intitule « Des frontières au pays ». Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de sable, l'émission donc sur CKRL jusqu'à 18h30, suivie de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneault, Gulvendi. Alors, on discutait altermondialisme avec Renaud Blais, donc qui nous dresse un petit peu le portrait, ou en tout cas, quelques bilans dans cette année, saison 2010-2011. Ouais. Et puis, c'est ça, tu voulais nous parler un peu de prospective et... À la fin de mon intervention, on sera dans la prospective. Mais aussi, je voulais dire aussi que tu voulais nous annoncer une perle. Oui, une perle. En fin de semaine, j'ai participé à un séminaire que je peux pas vous présenter, ça sera trop long. Mais il y a une personne qui a dit, après qu'on a parlé d'un grain de sable qui pourrait enrayer un engrenage, puis je me suis dit, ma foi, il faut que j'en parle à l'émission, là, ça n'a pas de bon sens, parce que la personne a dit, mais vous savez, le grain de sable, ça peut devenir une perle. Hein? Et là, une perle, ça a beaucoup de valeur, contrairement à un grain. Puis comme c'est plus gros, ben ça peut davantage enrayer un mécanisme quand ça tombe dans un engrenage. Bon, je me suis dit, ça peut pas faire autrement. Je peux pas en parler. C'est une belle perle, c'est une belle perle. Je suis d'accord. C'est une perle, bon. Bon, ensuite, j'ai entendu Jean-Claude Enguerrand présentait Edgar Morin qui vient de publier un livre qui s'appelle La Voix. Puis dans ce livre-là, Enguerrand citait un bout qui disait Edgar Morin prétend que l'altermondialisme, il faut le prendre au pied de la lettre. Ça veut dire, il faut s'y attarder, il faut aller à fond dans ça, dans la perspective où il faut penser à l'avenir autrement. Mm. Puis lui, La Voix, là, qui est le titre de son livre, puis Edgar Morin, j'ai pas le temps de le présenter, mais c'est un scientifique de haut calibre, là, qui a été dans la rue aussi, là, je veux dire, c'est toujours été un empêcheur de tourner en rond dans les universités. Qui a manifesté beaucoup. Il était membre du Parti communiste français dès le départ, mais qui a abandonné très vite. Puis là, bon, il était un peu drop-out du Parti communiste, puis il était drop-out du CT, là. Mais bon, il a passé sa carrière au CNRS à faire des recherches. Une de ses premières publications importantes, c'était sur mai 68, qui réinterprétait, en tout cas, Edgar Morin, là. Alors, on va regarder ça sur Google. J'ai pas le temps de le présenter. Puis c'est son dernier livre, c'est La Voix. Puis c'est dans ça qu'il prétend que l'altermondialisme, il faut le prendre au pied de la lettre. Parfait, merci. Maintenant, moi, à mon avis, quand on pense altermondialiste, là, il y a eu une révolution, le fameux printemps arabe, là. À mon avis, il y a là un lien dans le sens que il y a eu une dizaine de forums sociaux en Afrique du Nord dans l'année 2010. Ça fait qu'il y a là des gens qui se sont parlé, des gens qui ont pensé à l'avenir autrement. Puis, je suis pas en train de dire que la révolution arabe, c'est une révolution altermondialiste, mais je suis certain qu'il y a des éléments là-dedans qui s'inscrivent dans la nébuleuse altermondialiste qui va... De voir les choses autrement. Oui, voir les choses autrement. Puis l'élection au Canada qu'on a eue il y a quelques semaines, quelques semaines, oui. Ça fait à peine une semaine et plus. Tu veux nous en parler? Ben, est-ce qu'on n'essaye pas de faire autrement, là? Je veux dire, qui s'attendait à ce que M. Layton soit chef de l'opposition puis qu'il remporte une majorité et une pluralité de sièges au Québec? S'il n'y a pas là un changement ou un virage, je me demande qu'est-ce qui se passe, là. Puis, bon, encore là, je suis pas en train de prétendre que c'est une élection altermondialiste, mais il y a en ça une concertation qui s'est faite, des gens qui se sont parlé, puis quand on élit avec des majorités de 5, 6, 7, 8, 9 000 voix, des candidats « no one », comme on dit, qui sont vraiment inconnus, là, il faut avoir envie de changer quelque chose, il faut avoir envie de d'affirmer quelque chose autrement, puis... Il y a à peine 20% des gens qui votent avec une réflexion suivie, puis tout ça, ben souvent, c'est dans le cadre d'une vague. C'est pour ça qu'il y en a qui s'opposent à des sommets, à des sondages publiés les derniers jours, oui, parce qu'ils prétendent qu'il y en a. Ben, moi, j'ai déjà parlé des gens qui votent pour gagner. Peu importe pour qui ils votent. S'ils pensent que c'est lui qui va gagner, ils vont aller voter pour lui. Fait que ça, c'est l'entraînement. Mais il y a des gens qui ont... Sans l'analyse des valeurs du parti Oui, c'est ça. D'accord. Il y en a plein, ça. Je veux dire, moi, j'ai parlé avec des immigrants qui arrivaient d'Amérique latine, des réfugiés politiques, qui disaient, les Québécois, vous êtes pas politisés partout. Mais j'ai dit, vous autres, vous l'êtes parce que vous êtes réfugiés politiques, là. Je veux dire, est-ce que toute la population de votre pays sont aussi politisés que vous l'êtes comme réfugiés politiques? J'ai renvoyé un peu la question, mais bon. C'est clair que internationalement parlant, au Québec, on est très peu politisé. Il y a très peu de gens qui jasent politique. Ben oui, pendant le référendum et tout ça, mais bon. Mm-hmm. Tout ça pour dire qu'il y a eu là, encore là, des éléments, à mon avis, qui sont une volonté de changement. Ouais. Puis ça, ben, c'est de la gauche, là. Le NPD, là, c'est de la gauche. Puis ça pourrait être intéressant. Puis j'irai pas plus loin pour la prochaine élection québécoise, mais ça pourrait être intéressant aussi. Bref. Ça, là, dans 2 ans, on va voir. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ben, on voudrait bien que ça soit avant, mais bon, on a un premier ministre encore bien assis. Bref, je veux terminer en disant, là, le Forum social mondial qui s'en vient en 2013. D'ici quelques semaines, le Conseil international du Forum social mondial, qui est un peu le comité exécutif, mais ils sont 150, puis ils fonctionnent au consensus. Ça fait que des fois, les réunions sont très longues. Ben, oui, très longues, oui. Mais c'est démocratique. Tout à fait. Hein, c'est un élément très important à mentionner quand même. Ça fonctionne un peu comme chez mes ancêtres amérindiens, où le consensus règne. Puis il faut que tout le monde soit convaincu avec une décision soit prise. Puis tant que tout le monde n'est pas convaincu, on continue à discuter. Mais tout ça pour dire qu'eux autres qui ont à prendre la décision, là, à savoir où sera le Forum social mondial en 2013. Oui. Puis il est bien reconnu que Montréal est en tête de liste. Excellent. Fait que ça pourrait être confirmé d'ici quelques semaines. Puis je voulais insister là-dessus dans ma dernière chronique, c'est que si on fixe le rendez-vous pour le Forum social mondial à Montréal pour janvier-février 2013, ben à Québec, là, on n'est pas loin. Fait que ça va nous interpeller aussi. Oui. Faudra se préparer. Faudra peut-être, en tout cas, je blague un peu en disant ça, mais faudra peut-être que les gens de Québec se concertent pour aller faire un atelier pour parler du Code Québec. Ça, c'est intéressant. Pourquoi pas, Renaud? Il me semble que Renaud, tu serais un bon candidat. Ben, en tout cas, je verrais bien, là, ce que je peux faire à ce niveau-là. C'est sûr qu'il faudrait y participer, mais bon. Tout ça pour dire que il faudra s'y préparer. Puis soyez attentifs. Bon, évidemment, ça va faire les médias. Ça sera annoncé si on retient Montréal. Puis là, ben, c'est pas rien, là. 150 000 personnes qui se réunissent quand dans même, un hein? lieu, puis qui décident ensemble. Ils décident pas ensemble, mais ils communient dans leur pensée. Parce que moi, j'ai participé à un forum social mondial à 155 000 personnes. C'est un regroupement de... vraiment un sentiment de ne pas être seul, là, une fois pour toutes. Là, dans le sens que des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs, idées. C'est ça. Et de volonté de voir les choses différemment. On remet en question notre système capitaliste d'accumulation des richesses sans borne, là. J'ai eu encore une conversation avec mon ex-beau-frère qui est docteur en économie. Puis je dis, quand est-ce que tu vas nous sortir une théorie sur la décroissance? Ben la décroissance, pour lui, ça existe pas, pis c'est pas possible, pis c'est impensable. Mais j'ai beau y dire. Puis mais j'ai dit, mon cher, tu devras nous trouver une théorie parce que la décroissance, on n'aura pas le choix de s'aventurer dans ça, parce que si on consomme autant encore pendant des années, ça va nous prendre plusieurs planètes. Possiblement. Alors, ou peut-être la recherche va nous mener sur Mars. Ouais, mais c'est pas là qu'on va manger fort, ben. C'est une blague. En tout cas, peut-être un rendez-vous à Montréal en 2013 pour le Forum social mondial, ça serait super intéressant. Tout à fait. Alors, sur ces derniers mots, n'est-ce pas? Bon été! Oui, mais ça fut un plaisir, Renaud, hein, de t'accueillir à cette émission et très intéressante cette chronique altermondialiste. Alors, au plaisir de refaire avec toi d'autres chroniques. Au revoir. Alors, bonjour tout le monde. Merci Renaud alors pour toutes ces informations et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc j'aimerais me remercier Jeanne Gutiérrez qui était à la mise en onde ce soir. Merci Jeanne. Également un grand merci à Cédric Leterme pour la production de l'émission et également Renaud Blais pour leur chronique. Alors merci à vous chers auditeurs d'être avec nous tous les vendredis soirs. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL et vous pouvez également vous les procurer sur celui d'Attaque Québec. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur notre organisme, vous pouvez devenir membre. Et oui, et donc on met toutes les actions qui sont en cours sur le site. Et on aime beaucoup vous lire également l'émission. Alors, n'hésitez pas à nous écrire sur legraindesable@hotmail.com. Alors, quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, 17h30, pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Alors, ça se termine bientôt, je vous l'annonce. La dernière semaine, c'est le 29 mai. Alors, d'ici là, ben je vous souhaite de rester branchés sur ce qui se vit ici et à travers le monde, et également d'essayer d'écouter d'autres nouvelles et informations ailleurs que dans les médias commerciaux. Donc, je vous invite à surveiller cette semaine. Il y a eu l'interdiction des gaz, d'exploitation des gaz de schiste en France. Alors, je vous invite à aller voir un peu plus d'infos là-dessus. Alors, bonne semaine, bonne fin de semaine. Et maintenant, je vous laisse en la superbe compagnie de Jean-Sébastien Grondin. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée de nom. Mais c'est lui qui va animer 100% Dynamite tout de suite après ces quelques publicités. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL, cette fabuleuse radio qui cultive tes goûts.